Précédant les pèlerins, un vieillard est apparu devant l'abri de l'ermite. Il demande une aumône à Nicolas, qui n'a que sa robe et sa ceinture, mais il est prêt à les donner. Mais le vieillard refuse. Reprends-les jusqu'au jour où nous en aurons besoin. Et sur ces mots, il disparaît.